Vous écoutez la balado d'Eve Pandore, présentée par Sécurité Montréal. Pour commencer, je vais vous demander un peu de vous présenter. D'abord, Marianne. Salut, moi c'est Marianne Prairie. Je suis auteure et chroniqueuse et puis la cofondatrice de Je suis féministe. Et au sein du blog, ben, je fais partie de l'équipe d'administration. Je fais partie des meubles aussi, je pourrais dire. Et Caroline? Caroline Roy-Blais, je suis recherchiste et chroniqueuse. Je suis membre de l'équipe d'administration de Je suis féministe depuis déjà plus de 5 ans et je suis co-directrice de l'ouvrage Je suis féministe, le livre, avec Marianne. On va discuter un peu du blog Je suis féministe. Qu'est-ce qui vous a motivé d'abord à mettre sur pied ce blog-là? Pourquoi c'est important pour vous de proposer une plateforme en français pour les féministes? Marianne? Quand on a pensé à cette idée-là en 2008, en fait, ça a été une proposition de mon amie Isabelle N. Miron que j'ai prise au vol et puis qu'on a réalisée ensemble. Et puis toutes les deux, on était des jeunes féministes dans la vingtaine à cette époque-là. Et puis tout ce qu'on lisait, c'était sur des sites américains, des sites en anglais. La façon qu'on avait de s'informer, d'ouvrir nos horizons, d'apprendre des choses sur le féminisme ou sur d'avoir une lecture féministe de l'actualité, ça se passait du niveau justement du côté américain. Et puis, Isabelle, elle disait, ça nous prend quelque chose en français, quelque chose qui reflète la réalité québécoise, entre autres, on pouvait l'ouvrir, évidemment, à la francophonie, mais c'était vraiment une particularité, je dirais, de langue et puis aussi de territoire, là, si on veut. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans la politique québécoise, de regarder ça sous un œil féministe? Donc, il y avait vraiment cette intention-là de parler féministe en français puis de donner la parole à ces jeunes femmes-là qui se disaient féministes ou qui voulaient se dire féministes pour qu'elles puissent le faire dans leurs mots, dans leur langue, qu'elles puissent se l'approprier. Donc, c'était vraiment une des raisons principales pour laquelle on a fondé Je suis féministe en 2008. Et de cette façon-là, ça allait aussi briser l'isolement de ces jeunes féministes-là qui étaient chacune de leur côté, peut-être qui étaient plus ou moins à l'aise de lire en anglais, de comprendre tout ce qui se passait justement dans ces textes-là. Donc, c'était de donner ces outils-là, puis ensuite des traces dans le web de ces discussions-là en français pour que d'autres personnes puissent y avoir accès, puis d'agrandir cette communauté-là. Et Caroline, est-ce que tu avais cette impression-là qu'en s'informant toujours à travers des médias anglophones, votre féminisme ou ton féminisme, tu peux répondre de manière plus personnelle, évoluait un peu, pas en vase clos de ce qui se passait au Québec, mais que finalement, tu finissais par t'inscrire plus avec les discussions des féministes anglophones américaines? Je dirais, moi, à ce moment-là, en 2008, quand le blog a commencé, je ne consommais pas beaucoup de blogs américains, justement à cause de la barrière de la langue. C'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Je me considérais féministe, mais j'étais constamment en train de consulter ce qui s'était fait avant moi, dans le fond. T'sais, je lisais, par exemple, La vie en rose. Je me documentais sur des choses principalement québécoises, mais la barrière de la langue m'empêchait un petit peu de me documenter sur ce qui était actuel dans le féminisme. Puis c'est quoi les défis, selon toi, d'avoir un blog francophone, féministe, à l'époque? Les défis, ça a été de se faire connaître, ça a été de recruter des correspondantes, ça a été d'asseoir une certaine légitimité, une certaine autorité, d'expliquer pourquoi c'était important de donner une voix, justement, aux jeunes féministes francophones. Donc, je dirais que ça a été les défis du début. Puis ça a été ça aussi qui a animé Je suis féministe dans les 8 dernières années. Qu'est-ce que Je suis féministe vous a permis d'accomplir, selon toi, Marianne, pour la communauté féministe au Québec? Bien, au fil des ans, je pense qu'on a justement rassemblé ces jeunes féministes-là autour de ce portail-là qui est « Je suis féministe ». On a réussi à briser l'isolement d'une certaine façon parce qu'on avait une adresse où je pense que tout se sentait assez bienvenue, que c'était quelque chose qui était un safe space aussi sur le web. C'était avant que les médias sociaux prennent énormément de place. Donc, ça a permis ce contexte-là technologique, je dirais, de rassembler beaucoup de jeunes féministes et puis aussi d'élargir tout ça à la francophonie, d'avoir des lectrices et des correspondantes aussi qui n'est pas seulement du Québec. Je pense que ça s'est bâti tranquillement. Et puis, 8 ans après, on se rend compte de l'importance que ce premier blog féministe francophone, ce projet collectif-là, a eu dans ce mouvement de prise de parole des jeunes féministes, parce qu'elles le font énormément aujourd'hui en 2016. Donc, je pense que ça s'inscrit dans quelque chose qui était en émergence, ça a été peut-être un accélérateur d'une certaine façon, mais ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait un besoin, puis on a répondu à ce besoin-là. Depuis la création de Juste Féministe en 2008, comment voyez-vous maintenant que l'offre médiatique féministe a évolué, tant du côté anglophone que francophone, Caroline? Ça l'a décuplé, je dirais, là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup partout. Si on pense à TPL, qui a commencé vraiment comme un blog de mode. Petit look. Oui, exactement. Maintenant, il y a énormément de chroniques qui sont faites sur le féminisme. Si on pense, par exemple, à Châtelaine, qui retrouve sa première fonction, parce qu'à la base, Châtelaine était un magazine féministe, est devenu un magazine de mode et redevient tranquillement un magazine féministe. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Il y a plusieurs plateformes qui en parlent. C'est plus un mot tabou, c'est plus un mot qu'on dit « Ah, oh, mais moi, je suis féministe! » Encore aujourd'hui, Marianne, il y a certains savoirs, certaines discussions, certains enjeux qui sont quand même plus présents dans les médias féministes anglophones, donc évidemment dans la communauté anglophone en général. Lesquels, selon toi, quel type d'enjeux, quel genre de discussions sont plus présentes? Ah ben c'est sûr, nous autres, du côté francophone, on vient de découvrir l'intersectionnalité, là. ça vient de débarquer, là. C'est fraîchement arrivé il y a à peu près 2-3 ans. Et pourtant, donc, ça fait combien d'années, selon toi? Ben ça fait plus de 20 ans, là, que c'est du côté anglophone, puis que c'est discuté, que c'est analysé. Cette discussion-là, très importante, d'où les diverses oppressions se croisent, et puis où est-ce qu'on peut pas prendre le féminisme dans justement un vase clos, qu'on doit discuter de ça avec différentes formes de discrimination et tout ça. Puis pour avoir un travail qui soit productif, pour tenir compte de tout le monde, pour que toutes les femmes soient égales au sein même du féminisme. Donc, ça, c'est un enjeu, je pense, c'est le plus gros, je dirais, là, du côté francophone, qu'on sent le retard. Mais toute cette discussion-là féministe, par exemple, sur le genre, des choses un peu plus, je dirais, un peu plus loin dans l'horizon féministe, surtout au niveau théorique, on a peu de traces de ça en français. Des traces vulgarisées, en fait, des textes qui permettent, par exemple, à des jeunes féministes ou des nouvellement féministes de s'approprier, de comprendre, d'avoir un premier contact avec certains concepts théoriques qui sont, oui, peut-être documentés dans des recherches ou dans des thèses et des choses comme ça, mais qui vont rester cachés dans des voûtes. Donc, je pense que c'est important d'avoir ce regard-là puis d'expliquer ce qu'il y en est pour que de plus en plus de gens s'y intéressent, prennent part à la discussion puis voient que, justement, ça peut être profitable pour le plus grand nombre. Puis les médias féministes francophones vont peut-être donner l'étincelle qui vont faire que les gens vont découvrir l'intersectionnalité ou d'autres enjeux puis vont vouloir aller approfondir ça. Caroline, si on essaie de faire un portrait des voix féministes qui sont présentes au Québec, quel portrait, toi, fais-tu? Puis qui est peut-être pas présente dans les voix, les féministes qui ont accès à la parole au Québec? Les voix qu'on entend le plus souvent au Québec, c'est surtout les femmes blanches, quand même éduquées, qui ont accès à un certain bagage de connaissances. Celles qu'on entend moins souvent, c'est les femmes noires, c'est les femmes latinas, ça va être aussi les femmes transgenres, ça va être aussi les femmes lesbiennes, qu'on va moins entendre. Donc, il y a une importance, il y a une responsabilité en tant que, je dirais en tant que média, de donner la place, puis de donner des opportunités pour que ces voix-là soient entendues. Puis, je pense que c'est une réflexion qu'on s'est faite récemment sur « Je suis féministe », de quelle façon, nous, on peut se positionner dans l'espace médiatique pour valoriser, pour faire entendre ces voix-là qui, justement, sont émergentes en français. Et en quoi Je suis féministe peut contribuer à abolir la barrière entre les langues, si on revient encore à l'anglais, là, et donc la barrière entre les savoirs qui sont partagés au Québec, aux États-Unis, au Canada? Mais je dirais que, par exemple, sur Je suis féministe, on avait publié une traduction d'un texte qui était 12 suggestions aux hommes dans des milieux féministes. Et puis ça nous avait aidé parce que c'est un texte qui était super utile, mais il était disponible uniquement en anglais. Donc, on avait demandé à une de nos correspondantes de le traduire pour nous aider. Sinon, on a plusieurs correspondantes qui ont justement pris des concepts et qui les ont expliqués en français, sur le blog, c'est de dire, ben écoute, ce concept-là existe. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'université et que j'étudiais l'intersectionnalité, c'était que des écrits en anglais. Donc, après ça, quand je me suis mis à bloguer en français, j'essayais d'intégrer ces notions-là pour essayer de l'expliquer sans nécessairement dire aux gens, allez lire tel texte en anglais, en considérant que c'est peut-être pas tout le monde qui est capable. Il y a aussi l'exemple du test de Bechdel, oui. Bechdel, qui est des questions qu'on peut poser par rapport à une œuvre cinématographique qui définit si un film est promeut l'égalité ou en fait qui fait en sorte que représente, donne la place aux femmes, représente bien les femmes dans ce film-là. Donc, on a eu un texte qui expliquait d'où venait ce test-là de Bechdel et comment on peut l'appliquer. Donc, ça devient un autre outil d'analyse féministe qui est accessible à tout le monde. Par rapport à la page Facebook, on essaie justement de partager le plus de textes en français possible, des choses qui peuvent être traduites comme des vidéos, des choses comme ça, sous-titrées. Puis des fois, on arrive avec des enjeux dont on veut parler, par exemple, les épingles de sûreté, les safety pins, là, post-Brexit et puis là, post-élection de Trump, où est-ce que les personnes alliées pouvaient porter ces épingles pour dire « je suis solidaire, je suis empathique avec des personnes marginalisées ». Et puis, les safety pins ont eu des vives critiques et puis on trouvait pas de texte en français pour parler de ces critiques-là. Donc, c'est ça l'idée aussi de « Je suis féministe ». C'est d'avoir ces points de vue-là qui sont parfois critiques, puis dans l'actualité, dans les choses qui se passent en ce moment même, on veut les publier, on veut les diffuser, tu sais. Puis d'avoir ça en français... D'avoir une offre. C'est ça, c'est extrêmement important. Mais donc, c'est ça, c'est d'avoir la rapidité, l'équipe, tout ça qui peut faire en sorte que cette information-là soit disponible et comprise par les francophones aussi. C'est important. Lors de sa création, Je suis féministe était initialement un blog, mais aujourd'hui, c'est également une plateforme très active sur les médias sociaux qui diffuse une panoplie de contenus féministes publiés ailleurs que sur votre blog. Maintenant, la page Facebook de Je suis féministe, je dirais qu'elle est presque plus fréquentée que le blog en tant que tel, parce que sur notre page Facebook, on va prendre qu'est-ce qui s'écrit dans les autres médias et on va le diffuser. Donc, il y a beaucoup de personnes qui considèrent notre page Facebook comme un fil de presse. C'est la page à laquelle ils ou elles se sont abonnés pour avoir de l'information féministe. Donc, on diffuse des vidéos, on diffuse des images, on diffuse les textes qui se sont écrits ailleurs. Et puis, c'est là que va avoir lieu la plupart des conversations. Je suis féministe a tout récemment sorti un livre. Donc, c'est un recueil de textes du blog depuis les tout débuts. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de faire un portrait de ce qu'a été Je suis féministe jusqu'à maintenant? Mais en fait, c'était super important pour nous de laisser une trace écrite, de lancer ça un peu comme un espèce de... Bon, j'allais dire testament, mais c'est peut-être pas le bon mot parce qu'on veut pas finir maintenant, là. Mais je dirais vraiment laisser une trace de ce qui s'est écrit. Puis le livre papier permet aussi de mettre en valeur ces textes-là qui, oui, sont toujours disponibles sur le web, mais qui va aller les chercher, qui va les lire dans la masse d'informations qui est disponible sur le web? De quelle façon on a accès aussi à ces traces-là? Puis c'est quelque chose qui se passe très bien. Puis c'est quelque chose qui aussi permet à d'autres personnes de découvrir Je suis féministe. Comme je pense justement à des femmes de la génération de nos mères qui lisent pas le blog, mais qui ont tout avantage à lire ces textes-là parce qu'elles peuvent justement comprendre un peu mieux la génération qui les suivent, puis aussi à des très jeunes femmes qui n'étaient pas là quand ces textes-là ont été écrits, qui n'étaient pas sur le web, donc qui ont maintenant la possibilité de les découvrir. Donc, ça permet de faire revivre les textes qui ont été publiés. Bon, ben pour terminer, Marianne, peux-tu nous dire comment est-ce que vous entrevoyez le futur de Je suis féministe? Ben je pense que Je suis féministe a un futur assez radieux. On a des nouvelles membres dans l'équipe d'administration qui sont extrêmement dynamiques et puis pleines de bonnes idées. Et puis, on brasse un peu, je dirais, la forme de Je suis féministe. Le blog étant comme... justement, était la forme appropriée en 2008 pour donner une voix aux jeunes féministes francophones. Est-ce que c'est encore le cas en 2016 quand on a les médias sociaux, quand le web s'est transformé? Il faut s'adapter au contexte des féministes actuels puis aussi des médias actuels. En même temps, je me dis, le blog va quand même continuer, justement parce qu'on continue de recevoir des demandes de correspondantes, continue de recevoir des textes, mais contrairement au début où on avait plus des correspondantes classiques qui s'engageaient pour 3 mois, maintenant c'est beaucoup plus spontané. Il se passe quelque chose dans l'actualité, la personne va écrire un texte, elle nous l'envoie, puis elle veut qu'il soit publié demain matin. Donc, il va falloir nous-mêmes qu'on change notre façon de faire, qu'on soit plus rapide pour répondre à ça, pour rester dans l'actualité, justement si on veut que le blog garde cette vivacité. Merci beaucoup, Marianne Prairie, Caroline Roy-Bray, d'avoir été là avec nous, puis longue vie à Je suis féministe. Merci beaucoup.